constantly. Je suis juste bon à écrire de vos mots. Quand la colle, ma page me fait beau. À toi qui entends ces mots, comprends mes mots qui expliquent pourquoi je vis pas l'idée de pouvoir réaliser ce que j'ai fait. À toi pour nous dire un essai. Cette musique m'arrache à la vie, car cette musique était la tienne. Il n'arrive plus à dire tout seul. Me rapporte les autres, je lui fais. Il me reste tellement de choses, et j'arrive pas à faire ma cause. La vérité est tellement vite qu'il ne me donne plus d'aucune alternative. Un drapeau noir, planté dans ma mémoire. Don't.